Cet été-là, on passait le temps à contempler le ciel. Je regardais les cieux dans les yeux. Une biographie de Rimbaud à l'ombre me tenait compagnie. Pour faire fortune et fonder une famille, quelle drôle d'idée lui est passée par la tête. Quelle drôle d'idée lui est passée par la tête. Cet été-là, on passait le temps à contempler le ciel. Je regardais les cieux dans les yeux. Une biographie de Rimbaud à l'ombre me tenait compagnie. J'ai rien écrit sur lui, sinon un poème jamais lu. Ou les poètes d'aujourd'hui que je ne connaissais pas. Cet été-là, on passait le temps à contempler le ciel. Ça n'arrive pas tous les jours, parfois l'orage nous surprenait. Cet été-là, on passait le temps à contempler le ciel. Parfois l'orage nous surprenait et on courait pour passer sous le pont. On attendait alors le vent pour se sécher. Nous aimons les orages, un extrait de chanson. Nous aimons les orages, un extrait de chanson. C'est un on passait le temps à contempler.